séminaire s'efforce d'exercer une vigilance critique vis-à-vis des bouleversements que connaît l'enseignement supérieur et la recherche en France et puis en Europe. La séance d'aujourd'hui, cependant, est exceptionnelle. Elle s'offre comme un lieu d'information, un lieu de réflexion collective sur une question d'une actualité tout à fait brûlante, celle des regroupements d'universités. Au passage, je me présente, Christian Topalov, je suis sociologue et directeur d'études dans cette maison. Sur ce sujet, les regroupements d'universités, nous connaissons bien désormais la tactique des autorités ministérielles. Créer des situations d'urgence, de sorte que les échéances étant trop proches, il ne reste au troupeau que nous sommes que de suivre ces bergers. Il en a été ainsi lors de l'adoption des statuts des presses en 2010, lors de l'élaboration des projets d'IDEX en 2011 et maintenant encore pour les statuts des communes. Et le ministère presse nos présidents de les lui soumettre, comme vous le savez, d'ici le 22 juillet, date anniversaire de la loi Fioraso. Alors, on le savait depuis le vote de celle-ci, me direz-vous, mais ce serait oublier un autre aspect de la tactique des réformateurs, préparer les décisions à l'abri des regards, puis nous mettre devant le fait accompli le jour du conseil d'administration décisif. Et on nous explique qu'on ne renégocie pas en 15 jours ce que l'on a, n'est-ce pas, travaillé, élaboré à 6, à 12, à 20, que sais-je. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'un groupe de rédaction des statuts de la Commue qui devait remplacer le presse ESAM se réunit dans la plus grande discrétion depuis, m'a-t-on dit, janvier dernier. Qui est au courant? Sur quel mandat? Sur quelles orientations travaille ce groupe? Et les décisions qui doivent être prises dans les semaines qui viennent seront irréversibles et décisives pour nos institutions. D'où une inquiétude réelle parmi les personnels de toutes catégories, un désir de s'informer, de réfléchir collectivement et peut-être de peser sur le cours des choses. Et nous mettons la présente réunion au service de ces objectifs que partagent sans nul doute ceux qui se sont réunis ce soir dans cet amphithéâtre. Et nous souhaitons en particulier contribuer au débat qui est en train de s'ouvrir à l'EHESS sur ce sujet, plus tardivement qu'ailleurs, d'ailleurs. Le pari que nous avons fait, c'est que nous y verrons plus clair, chez nous, si nous partageons très largement information et expérience, exigence peut-être, avec des collègues d'autres établissements. D'où un parti d'organisation qui va peut-être surprendre, voire irriter, certains de nos collègues de l'EHESS qui souhaitent surtout discuter des moyens de défendre la spécificité et les intérêts légitimes de notre école. Ce n'est en effet qu'en troisième partie de cette réunion que s'ouvrira le débat sur le cas du presque muet Hautes études Sorbonne Arts et Métiers, ESAM pour les intimes, débat auquel les collègues de Paris 1 qui sont dans cette salle et que je salue chaleureusement vont bien entendu qu'elles y vont contribuer. Notre conviction, en effet, est que la vraie question n'est pas de savoir qui va l'emporter parmi les partenaires d'un même regroupement, le HESS et Paris 1, par exemple. Poser ainsi le problème, c'est entériner la situation de concurrence dans laquelle le ministère veut nous enfermer pour que nous ne nous posions pas les questions essentielles. Quels regroupements sont vraiment souhaitables? Quelles formes institutionnelles favoriseront les coopérations tout en assurant à chacun l'autonomie nécessaire et à tous la démocratie universitaire dont nous avons besoin? Et pour commencer, quelles options laisse réellement ouverte la loi du 24 juillet 2013? D'où le programme chargé des 4 heures de travail sans pause que nous allons avoir ensemble. En première partie, information. Bruno Andréotti, physicien, professeur à Paris Diderot, chercheur à l'ESPCI ParisTech, va nous exposer le cadre législatif et les options possibles. Ensuite, Christophe Pébart, historien helléniste, maître de conférence à Bordeaux 3 Montaigne, retracera la généalogie des regroupements d'universités depuis 2006. Enfin, Jean-Marie Maillard, directeur de recherche au CNRS, laboratoire de physique théorique de la matière condensée de l'UPMC Paris 6, tentera de décrire à l'échelle nationale la situation actuelle et les tendances en matière de regroupement, tâche difficile, tant la politique du secret pèse lourd. En deuxième partie, situation, et je céderai à ce moment-là la présidence de nos travaux à Sophie Desrosiers. En deuxième partie, situation, des collègues appartenant à 4 regroupements d'établissements de l'Île-de-France exposeront les pressions du ministère, les stratégies des présidences, les solutions qu'eux-mêmes préconisent et les formes d'action pour les faire aboutir. Et enfin, en troisième partie, il sera, j'espère, un petit peu avant 8 heures ce soir, nous échangerons des points de vue sur le PRESS, COMUE, ESAM et les avenirs possibles. Alors, comme pour les autres séances de politique des sciences, la séance qui nous réunit aujourd'hui sera enregistrée, les voix seulement, dommage, et l'enregistrement mis en ligne sur notre site. Qui ne souhaiterait pas que ces propos se promènent de cette façon dans le cyberespace est invité à le signaler au président ou à la présidente de la session concernée qui fera le nécessaire. Donc je passe maintenant, sans plus tarder, la parole à Bruno Andréotti pour le cadre dans lequel nous travaillons.